Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Un voisin, c'est celui qui n'habite pas chez moi, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un pays. Mais si les murs d'une maison démarquent clairement deux territoires distincts, le mien et celui de mon voisin, qu'en est-il des pays dits voisins? Une frontière n'est pas un mur, alors comment se matérialise-t-elle? La question est de taille, car après tout, il n'est pas à la portée de tout le monde de comprendre qu'une frontière n'a pas toujours besoin d'un mur pour exister. We are building a wall on the southern border, which is absolutely necessary. So you put pressure, but believe me, one way or the other, we're going to get that wall. South of the border, down Mexico way, that's where they fell in love when stars above came out to play. And now as they wander, their thoughts ever stray. South of the border, down Mexico way, she was a... Bonjour Étienne Balibar. Bonjour Adèle Vanrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci beaucoup, je suis très heureux d'y revenir. Eh bien, nous sommes heureux, très heureux de vous y accueillir. Merci. Pour cette émission sur la proposer une philosophie des frontières dans le cadre de cette série sur le voisinage, si une frontière n'a pas toujours besoin d'un mur pour exister, comment est-ce que vous définissez la frontière? Eh bien, vous commencez par la question la plus difficile. Je serais... très, très embarrassé pour donner une définition simple de la frontière, pour deux raisons, si vous voulez. Bon, la première, c'est que, naturellement, il y a une définition juridique qui peut sembler évidente. On va, je suis sûr, découvrir dans la discussion qu'elle est bien plus compliquée qu'on ne pourrait croire au premier abord. La ligne, à la fois abstraite, évidemment, mais aussi tracée sur des cartes et quelquefois matérialisée inévitablement sur le sol, qui sépare deux territoires, disons, indépendants l'un de l'autre, hein, et par voie de conséquence, souverain ou relativement souverain. Bon, alors, notre idée la plus immédiate, et on ne peut pas dire qu'elle soit fausse, bien entendu, c'est que le type de ces territoires qui sont séparés par des frontières, c'est le territoire des États-nations, du genre d'une autre, la France, l'Allemagne. Bon, mais... je pense que cette définition est, par laquelle il est indispensable de commencer est beaucoup trop simple et ne suffit pas, en tout cas, à discuter de tous les problèmes qui sont afférents à la frontière. Parce que, premièrement, il n'y a pas que des territoires nationaux, il y a toutes sortes d'autres territoires. Et dès qu'au fond, on isole quelque chose qu'on se représente comme un territoire, ou même qu'on traite comme un territoire, qu'on habite comme un territoire, inévitablement, un problème de voisinage, comme vous le disiez tout à l'heure, se pose. Et par conséquent, quelque chose comme une ligne frontière ou une zone frontière ou un poteau frontière, etc., commence à exister. Et il y a plein d'autres exemples, naturellement, que les États-nations. Bon, la deuxième raison, tâchez de ne pas être trop long, c'est que cette définition, au fond, est une définition complètement abstraite qui se réfère à une espèce d'idéal type de l'État-nation auquel, évidemment, nous sommes attachés et que nous croyons être le seul parce qu'il est très profondément eurocentrique et qu'il a gouverné, en quelque sorte, la politique et l'existence quotidienne de nos sociétés au cours des deux ou trois, des trois ou quatre derniers siècles. Bon, mais déjà, dès qu'on remonte un peu plus loin, ça n'existe pas de cette façon-là, même si on peut encore parler de territoire. Dès qu'on s'écarte un peu du centre européen ou de ce qui lui ressemble le plus, on s'aperçoit que ça n'existe pas non plus ou que ça fonctionne pas du tout de la même façon. Et puis d'autre part, et surtout, on est entré aujourd'hui dans une époque historique qui... et critique à beaucoup d'égards. Alors, vous faisiez passer tout à l'heure les éjaculations du président Trump sont un symptôme parmi d'autres, évidemment, du caractère critique que revêt la frontière aujourd'hui. Mais tout ça veut dire qu'en réalité, cette définition appartient dans une certaine mesure au passé. Ce qui veut pas dire qu'elle a pas perdu toute pertinence juridique. Mais enfin. Donc, la définition de la frontière a changé au fil des siècles. Oui, il suffit de prendre l'exemple. Prenez l'exemple le plus simple et le plus immédiat pour nous tous. Bon. Il existe des partis politiques en France, ou plus exactement un parti politique, qui a mis explicitement à son programme la défense de la frontière nationale. Alors ça pose la question de savoir ce que c'est que la frontière nationale. Ouais. Et je vous pose la question, qu'est-ce que la frontière nationale française? Est-ce que la frontière nationale française, c'est le tracé de l'Hexagone? Est-ce que pour un certain nombre de fonctions fondamentales, commerciales, culturelles, juridiques, migratoires, etc., c'est la frontière de Schengen? Est-ce que ça inclut naturellement les dom-toms et les départements d'outre-mer ou pas? Et au fond, suivant le problème qu'on cherche à résoudre, par exemple, entrée et sortie sur le territoire, imposition, circulation des marchandises et des capitaux, il n'y a plus quelque chose comme une seule frontière. Je vous donne un seul exemple pour aller très vite, qui je pense aussi parlera aux auditeurs, parce que c'est dans l'actualité. Traversons la Manche, si vous voulez. Bon, alors, et passons chez nos voisins les Anglais, qui, comme chacun sait, sont en ce moment en pleine, on va employer des mots polis, ils sont en pleine complication. Hein. Oui. Ils sont, en anglais, je dirais, it's a mess. Bon, bon. Alors, là, avec le Brexit, ils ont voté pour le Brexit. Bon, moi, je dis depuis le début qu'il n'y aura pas de Brexit, mais on verra bien. Bon. Ah oui. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin, ça l'est un en peu. Partie. On y ça reviendra, l'est un je peu. Pense. Ça l'est un peu. Bon. Et une des raisons que j'ai de le dire ou de le croire, bon, tout bien que je sache que je me sois toujours trompé dans la vie, mais ça fait. Bon, c'est que pour que le Brexit ait lieu, il faut tracer ou plutôt retracer une frontière qui avait été effacée dans une certaine mesure. Elle avait été violemment soulignée sur certains points, ça c'est toute l'affaire de Calais, des migrants, des passages, etc. Bon, là elle est renforcée, c'est presque le mur de Trump, mais enfin il s'en faut, c'est un peu différent. Mais d'un autre côté, elle avait été partiellement effacée. La preuve, c'est que les marchandises dont les entreprises qui sont à cheval sur le continent et l'Angleterre, les avions, les automobiles, etc. ont besoin, les pièces détachées, tout ça passe absolument sans discontinuité. Bon, donc il n'y avait plus de frontières. Alors il faut la retracer. Et à ce moment-là, les Anglais, alors évidemment quand on est français, on a toujours une petite envie d'ironiser à l'égard des voisins, on rigole. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les Anglais ne s'étaient pas souvenus qu'il existait quelque chose qui s'appelle l'Irlande et que si l'Angleterre quittait l'Union européenne, il allait falloir retracer une frontière à l'intérieur entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Alors on pourrait dire tout ça, c'est des phénomènes marginaux, secondaires, etc. Absolument pas. Oui. Ce sont les indices de la complexité de la chose frontière, si vous voulez, qui font que la définition que j'évoquais tout à l'heure est insuffisante et même de plus en plus fausse. Bah, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble au cours des 40 prochaines minutes. Vous êtes professeur émérite en philosophie à Nanterre. Vous enseignez également à l'Université de Columbia aux États-Unis. Vous avez publié récemment Spinoza politique, le transindividuel aux éditions PUF, Libre parole aux éditions Galilée. Vous avez beaucoup écrit notamment sur la philosophie politique. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au problème de la frontière ? Problème, s'il en est, c'est presque un euphémisme, vous l'avez dit, on ne peut pas le définir, on ne sait pas si c'est une dimension juridique, si c'est un fantasme, quelle épaisseur a une frontière. C'est à la fois complètement abstrait et en même temps absolument déterminant pour réfléchir sur le mode de coexistence entre les humains sur cette planète. Alors, je vais vous répondre par une citation d'abord, ensuite par une anecdote ou disons un épisode biographique, on pourrait dire. Et puis, troisièmement, par une idée générale. Bon. C'est ça, le prof. Hein, bon. Oui, bon, après, il faut qu'on avance aussi dans la discussion. Hein. Alors, je vais répondre par une citation, d'abord. Une citation que je trouve magnifique. C'est en espagnol, mais on comprendra tout de suite quand même. Bon. Il y a quelques années, 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, il y a eu dans un certain nombre de grandes villes américaines, à Chicago, à Los Angeles, etc., des manifestations très massives de ce qu'on appellerait en France des sans-papiers, c'est-à-dire de travailleurs immigrés, évidemment tous ou dans leur immense majorité originaires d'Amérique latine, donc hispaniques, undocumented, c'est-à-dire sans-papiers, pour réclamer des papiers. Bon. Donc ils ont défilé dans les rues par dizaines de milliers, c'est des très grosses manifestations. Et un des mots d'ordre qu'ils ont crié à cette occasion et qui m'a frappé, parce que à la fois parce que je travaille aux États-Unis mais que j'ai aussi énormément voyagé à une certaine époque de ma vie en Amérique latine, était le suivant: No cruzamos la frontera, Nos cruzons la frontera. Ce n'est pas nous qui avons traversé la frontière, c'est la frontière qui nous a traversés. C'est-à-dire qu'elle a traversé nos vies, et elle a traversé, au fond, le réseau qui nous fait exister quotidiennement, c'est-à-dire les relations que nous avons avec non seulement notre pays d'origine, mais notre famille. Les parents sont d'un côté, les enfants sont de l'autre côté, les familles sont coupées en deux, etc. C'est la situation de tous les migrants, naturellement, dans le monde d'aujourd'hui. Et c'était typiquement une manifestation de migrants. Bon, mais ce qui est extraordinaire dans cette frontière, c'est dans cette formule, c'est le renversement de perspective, absolument indispensable, à mon avis, pour comprendre un certain nombre de choses aujourd'hui, qui fait qu'on se donne pas la frontière, si vous voulez, comme quelque chose de donné, d'absolument immuable, par rapport à quoi ensuite les individus se débrouilleraient comme ils pourraient. Ils sont d'un côté ou ils sont de l'autre côté, ils essaient de traverser, ils y arrivent pas, ils sont bien accueillis, ils sont rejetés, ou au contraire, ils sont intégrés, etc., etc. Mais on renverse la perspective et on considère qu'il y a un gigantesque tissu, évidemment très complexe, d'existence humaine, qui est faite d'une multiplicité de cultures, d'occupations et d'appartenances, on va dire, les choses de cette façon. Et au milieu de ce complexe anthropologique, disons les choses comme ça, Michel Agier écrit des choses magnifiques là-dessus, bon, il y a une institution dont je ne dis pas du tout, comprenez-moi bien, qu'elle soit purement négative ou qu'on pourrait s'en passer. Je ne veux pas du tout, on y reviendra peut-être, mais je ne fais pas du tout partie des gens qui croient qu'il faudrait abolir les frontières ou qu'on pourrait les abolir. Bon, mais le fait existe, quand les mouvements no border, oui, mais exemple. On en parlera. Bon, ouais. Mais d'autant que j'y ai beaucoup d'amis. Bon, mais le premier point, évidemment, c'est de prendre conscience du fait que la frontière est une institution, hein, une institution politique, une institution historique, qui comporte une part fondamentale d'arbitraire et que cet arbitraire vient en quelque sorte s'imposer à l'existence des gens. Bon, alors, comme je suis un peu trop long, j'accélère, mais je passe à mon anecdote fondatrice, si vous voulez, ou à ma scène primitive. Bon, le fait est que... quand est-ce que ça remonte tout ça? Une vingtaine d'années peut-être, une vingtaine d'années. Bon, j'ai été sollicité par des gens que je connaissais, qui étaient basés en Suisse d'ailleurs, fondamentalement, de devenir membre, de faire partie d'un groupe très étrange qui comportait des universitaires, des cinéastes, des juristes, un ancien membre de la Commission des Nations Unies pour les réfugiés, des pasteurs protestants, etc., etc., et qui s'appelait le groupe de Genève pour la réflexion et l'intervention sur les problèmes de réfugiés aux frontières de l'Europe. C'est-à-dire, c'était une façon de prendre acte du fait que la frontière de l'Europe pour les réfugiés et les migrants, maintenant, c'était Schengen, donc c'est pas une frontière nationale, c'était une frontière collective, si vous voulez. Bon, à la fois beaucoup plus flou, enfin beaucoup plus flou, non, tracé sur le terrain, mais beaucoup moins bien défini juridiquement et d'un autre côté beaucoup plus contraignante, et qu'il y avait des quantités de gens qui vivaient en quelque sorte sur la frontière. Alors on a vu ça se multiplier depuis, naturellement. Bon, c'est-à-dire des gens qui passaient un temps considérable sur les terrains des aéroports, dans les zones de rétention, etc. Ça veut dire que la frontière devenait quelque chose de très épais, de très conflictuel. C'est plus du tout la ligne théorique dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment un lieu, à la limite, un lieu de vie et un lieu de conflit. Bon, et un lieu d'injustice, évidemment, et de violence extrêmement forte. Donc ce groupe s'était proposé de réfléchir à tout ça et aussi de le faire en collaboration avec des quantités d'ONG ou d'associations, qui continuent bien sûr d'exister aujourd'hui, il y en a même davantage encore, qui se proposaient de ne pas laisser, disons, les États ou les gouvernements gérer ces situations conflictuelles de la façon qui leur convient le mieux, mais qui est aussi la moins efficace et la moins juste dans la pratique. Donc c'est comme ça que j'ai été obligé, si vous voulez, pour la première fois de ma vie, parce que c'est mon métier, non seulement d'invoquer de temps en temps la notion de la frontière, et de la travailler comme un problème, à la fois un problème politique et un problème théorique. Et la philosophie politique, pour moi, c'est juste ça, naturellement. Bon. Et alors, la dernière chose que je veux dire, c'est que ça, c'était d'une certaine façon une situation particulière, au fond, dans le monde contemporain, bon, à laquelle, comme d'autres, j'ai été amené à m'intéresser, dans laquelle je me suis investi de plus en plus. Donc, j'étais encore l'été dernier avec les passeurs d'humanité sur la frontière franco-italienne, pour essayer de réfléchir à la façon dont la France traite l'Italie, traite les migrants. Bon, mais Maintenant, ce que je pense, si vous voulez, c'est que bien sûr la frontière a toujours été un problème politique et humain fondamental parce que c'est l'autre face de ce qu'on appelait tout à l'heure le territoire ou de la souveraineté. Bon, donc on peut pas dire qu'il y a eu, et puis il y a eu des époques de véritable obsession de la frontière, la ligne bleue des Vosges, enfin toute la grande histoire au fond des, et puis la colonisation dont il faut absolument est une gigantesque entreprise de traçage de frontières et de fabrication de frontières qui cloisonne l'humanité. Bon, donc ça, c'est, tout ça, c'est notre passé historique. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose de nouveau. Hein. Bon, non seulement la frontière devient quelque chose de plus compliqué, mais la frontière devient quelque chose de plus quotidien. Je dirais. C'est-à-dire que j'idéalise les choses, mais nous sortons d'une longue époque historique dans laquelle on pouvait ignorer au fond l'importance et les effets de l'institution frontalière aussi longtemps qu'on n'avait pas besoin de la traverser, c'est-à-dire aussi longtemps qu'on n'avait pas besoin d'acquérir un passeport, de franchir un poste frontière, etc. Donc on vivait quelque part. Alors évidemment, vous me direz les zones frontalières, c'est pas tout à fait ça. Les gens qui vivent par exemple dans les grandes villes frontières du monde, qui sont pratiquement à cheval sur une frontière, ont un contact beaucoup plus réel, beaucoup plus quotidien avec elle. Mais au cœur du territoire français, a fortiori dans la capitale, on n'est pas obligé de penser à la frontière. Mmh. Et aujourd'hui, cette situation est complètement changée. C'est-à-dire que tout le monde pense à la frontière tout le temps et tout le monde est confronté à la frontière tout le temps sous de multiples formes, contrôle, droits et devoirs, conflits, naturellement, violence à l'occasion. Et on est en train de se rendre compte, c'est comme tout à l'heure, je parlais de l'inversion dans le cas des migrants hispaniques, que d'une certaine façon, la hiérarchie des notions s'est renversée. C'est-à-dire qu'avant, la frontière, c'est juste ce qui borde le territoire. Bon, quand on sait où c'est, d'ailleurs, la fin du territoire. Bon, il y a des romans qui sont fondés sur le fait qu'on ne sait pas où c'est. Mais ce qui compte d'abord, c'est le territoire et ensuite seulement la frontière. Et aujourd'hui, je suis presque tenté de dire, si vous voulez, l'expérience que nous faisons en permanence, nous, toutes sortes de gens qui sont pas dans la même situation, bien sûr. Hein, bon, ceux qui ont des papiers, ceux qui en ont pas. C'est ce que ça implique quand même. C'est l'idée l'expérience de la frontière et le territoire devient une espèce de sous-produit. Oui, mais justement, le but de la frontière est d'isoler, de définir un territoire dans lequel le nous, la communauté qui compose ce territoire, est problématique. La frontière laisse croire qu'il y a une unité identitaire espace. Alors, rien n'est plus compliqué. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais alors, parce que vous dites que c'est problématique, vous anticipez l'objection que j'allais vous faire. Mais comment dire les choses? Mon vieux camarade Régis Debray, qui est un écrivain de valeur, comme chacun sait, bon, avec qui tantôt je suis très d'accord et tantôt pas du tout, a écrit un petit livre il y a quelques années qui s'appelle « Éloge de la frontière ». J'aurais voulu l'apporter. J'ai apporté plein de livres, là, Le Rhin de Lucien. On peut pas les montrer. Non, mais ils sont très beaux. On les mettra sur le site. Et puis des cartes aussi. J'espère qu'on en parlera des cartes. Des mais justement. Oui. Bon. Mais alors, donc, pour revenir à Régis Debray n'est pas un nationaliste ou un souverainiste vulgaire. Je voudrais pas dire ça. S'il était en face de moi, il serait pas content. On en a souvent discuté. Bon. Enfin, il est quand même intimement persuadé. Non pas que la notion de communauté n'a rien de problématique, mais que la seule communauté, je dirais, la seule communauté politique, la seule communauté historique, hein, dont la consistance soit suffisante, au fond, pour imposer quelque chose comme un sentiment de solidarité ou même un devoir de solidarité à des individus, à des groupes sociaux qui autrement ont toutes les raisons de se taper dessus les uns les autres ou qui en tout cas n'ont pas les mêmes intérêts, c'est la communauté nationale. Bon. Et il pense pas du tout à ça dans une perspective raciale ou raciste, ça évidemment absolument pas. Mais il le pense en particulier dans une perspective linguistique. Je me souviens d'une discussion contradictoire avec lui un jour à propos de l'Europe, où je m'étais lancé dans une grande envolée sur le peuple européen. Mmh. Et alors il m'avait interrompu en me disant « Mais c'est quoi le peuple européen? Il parle quelle langue ?» Alors, il fallait que je trouve à toute vitesse quelque chose, évidemment. Et je lui ai dit, j'ai cité Umberto Eco, et je lui ai dit, et la langue du peuple européen, c'est la traduction. Et c'est joli, c'est une belle phrase. Non, mais c'est une manière de montrer que la frontière ne suffit pas à définir une identité. Bon, alors, ce que je voulais dire simplement, la chose suivante, c'est que, dans notre tradition historique et politique, la communauté par excellence, c'est la communauté des citoyens, et la communauté des citoyens se définit fondamentalement, ou s'est définie historiquement comme nationale. Et du même coup, il est très difficile, c'est pour ça qu'il écrit un éloge de la frontière, de supposer qu'on va dissoudre ou volatiliser les frontières sans mettre en danger, justement, hein, si vous voulez, la suprématie qui pour lui a presque une fonction religieuse, il serait de la communauté nationale. Et donc, je suis d'accord avec vous, à mesure que la frontière devient plus problématique, l'identité, l'unicité de la communauté des nationale ou de la communauté des citoyens est à son tour bien sûr remise en question. Alors moi, et c'est pour l'inverse. Ça que beaucoup de gens, excusez-moi, c'est pour ça que beaucoup de gens autour de nous sont inquiets. Oui, mais okay. Alors moi, pas toujours pour des mauvaises raisons. Je pensais qu'à l'inverse, une frontière, la frontière d'un pays est comme une simplification abusive de la complexité des identités qui se jouent en son sein. Oui, mais là, je vais plaider contre ma propre mon sein ou mes propres convictions. C'est-à-dire que il est forcé de reconnaître que la complexité quelquefois a quelque chose d'invivable. C'est-à-dire qu'il faut des simplifications, mais évidemment, toute la question est de savoir lesquelles. Et un des problèmes posés par les frontières aujourd'hui, c'est celui-ci. Écoutez, aujourd'hui, effectivement, c'est une grande opération menée par Génération Identitaire, donc au niveau du col de l'échelle. On sait que c'est un point stratégique du passage des migrants clandestins qui viennent en France. Et donc, on a décidé aujourd'hui, nous, jeunes mouvements politiques de jeunesse, de rassembler nos forces et de montrer au pouvoir public qu'avec un petit peu de volonté et des moyens quand même relativement sommaires, eh bien, il est possible de reprendre le contrôle de nos frontières et d'empêcher les clandestins de rentrer dans notre pays. On s'appuie sur une politique qui a été développée en Australie, qui est la politique du No Way. L'Australie a vraiment mis des moyens forts pour dire aux migrants illégaux qu'il n'était plus possible de rentrer en Australie. Grâce à cela, il n'y a plus aucun mort en mer et l'immigration a cessé. C'est donc que c'est possible et que c'est une bonne chose pour les deux côtés. La baie des Lapins, au sud de Lampedusa. Le plus grand cimetière marin du monde, disent les gardes-côtes italiens. Aligné sur le quai, des dizaines de corps de noyés. Les témoins directs du drame sont effondrés, surtout les pêcheurs de l'île arrivés les premiers sur place. C'était une scène dramatique. Tous ces gens qui tendaient les bras vers nous et appelaient à l'aide, c'était terrifiant. Il y avait 4 enfants. C'était horrible. On leur avait mis des chaussures neuves comme un message d'espoir. Sur les 150 rescapés qui ont pu être sauvés, beaucoup originaires de l'Érythrée et de la Somalie. L'embarcation a pris feu et les 500 personnes qui étaient entassées à bord ont paniqué, ce qui a provoqué le chavirement du bateau. L'Europe ne peut pas fermer les yeux. J'ai appelé le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. Je lui ai dit que j'étais devant 93 corps de femmes, hommes, dont 4 enfants qui voulaient venir en Europe. Et nous à Lampedusa. Philosophie des frontières, ce matin sur France Culture, les chemins de la philosophie en compagnie du philosophe Étienne Balibar. Souvenez-vous, c'était le 3 octobre 2013, 366 migrants, érythréens et somaliens en particulier, s'échouent et meurent noyés au large de Lampedusa en Italie. C'était la plus grande catastrophe de ce genre à cette époque. La tragédie des migrants, Étienne Balibar, depuis quelques années, pointe l'ambivalence de la frontière, qui est à la fois une protection. On a entendu juste avant un des membres de Génération Identitaire, un groupe d'extrême droite. Je vous en supplie. Ne faisons pas de Génération Identitaire. Bon, il faut faire attention aux mots dont on se sert, mais aussi de temps en temps, il faut dire ce qu'on pense. C'est un groupuscule de petits fascistes excités. Hein, bon, évidemment, derrière qui il y a des inspirations, etc. Et qui, en plus, dans cette affaire, non seulement ne défendent aucune frontière, mais enfreignent de façon absolument claire une législation concernant la garde et la protection des frontières qui en réserve absolument le monopole et l'exercice à l'État, c'est-à-dire à la police. Mais en quoi êtes-vous en désaccord avec ce que j'étais en train de dire? Parce qu'ils n'ont pas le droit de se pointer sur une frontière. Non, on est d'accord. C'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Oui, mais je veux dire, ce que je voulais dire moi, c'est que les morts de Lampedusa posent un problème moral, un problème humain, d'autant plus que les 393 morts d'un seul coup que vous décrivez, c'est une petite partie de la quantité totale des gens qui se noient en Méditerranée en ce moment. Bon, donc je pense qu'il faut réagir à cette situation d'une façon politique, d'une façon morale. C'est un des problèmes fondamentaux de notre époque, des problèmes fondamentaux pour la conscience européenne d'aujourd'hui et pour la politique de l'Europe aujourd'hui. Mais il y a plusieurs plusieurs attitudes possibles. Mm-hmm. Je ne suis pas stupide. Je ne pense pas qu'il n'y a qu'une seule façon de... Il y a celle que je préférerais, qui est naturellement l'ouverture large de l'Europe aux réfugiés, de façon à empêcher les... C'est presque... Ça va vers le crime contre l'humanité, ce qui se passe en ce moment en Méditerranée. Alors, pourquoi maintenir autant l'existence des frontières? C'est ça qui est intéressant. Mais ne me faites pas dire que l'alternative est entre, si vous voulez, le secours aux réfugiés et aux migrants en Méditerranée d'un côté, et puis de l'autre côté, les gesticulations des petits gars de génération identitaire sur la frontière. Loin de moi cette idée, c'est au contraire pour montrer que la frontière est à la fois une protection et une exclusion en permanence. Alors, il y a une première chose que j'aurais voulu dire aussi en écoutant tout ça, bon, parce qu'on cherche à maintenir la discussion à la fois sur le plan pratique et sur celui de la réflexion et des concepts, c'est que la Méditerranée est un type de frontière vraiment tout à fait particulier. Hein, bon, on va refaire toute l'histoire des frontières naturelles, etc. Mais c'est un type de frontière, c'est pas une ligne. C'est une zone, c'est un espace. Bon, la contestation permanente en ce moment autour de la question de savoir à quelle distance des côtes libyennes ou des côtes italiennes la responsabilité du secours aux migrants incombe à tel ou tel garde-côte. Bon, on assiste même en ce moment au fait que les garde-côtes italiens procèdent à des opérations de secours contre la volonté de leur propre gouvernement, après quoi ils se trouvent en conflit avec lui. C'est dire à quel point la question n'est pas simple. Bon, d'autre part, la Méditerranée est une zone, c'est une zone de mort de plus en plus dans son milieu, mais c'est en même temps une zone de transit. Vous avez des cargos gigantesques qui passent là, qui se rendent même pas compte de ce qui se déroule à leurs pieds. Et puis d'autre part, c'est une zone qui est fortifiée sur ses deux bords. C'est-à-dire que sur la partie sud, on construit des murs au Maroc, d'autres endroits. Bon, on arme des milices ou on négocie avec elles de façon à ce qu'elles fassent le sale boulot que nous, on veut pas faire ou on peut pas faire. Et sur la partie nord, évidemment, on érige des fortifications d'un genre un peu différent. C'est pas celle de Trump, mais c'est plus mobile. C'est pour empêcher les gens d'aller plus loin. Donc c'est vraiment une frontière. C'est le concentré de la complexité et de la conflictualité, on pourrait dire, de ce que c'est qu'une frontière aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, si on revient au problème le plus général, qui est à la fois un bon, au fond la question, vous dites protection. Donc, ça me semble poser deux questions. Non, mais de manière, attendez, pardonnez-moi. Oui. Protection, c'est ainsi que parlait le membre de génération identitaire. Oui. C'est-à-dire que c'est faussement, c'est une fausse protection. On pense ils pensent que la frontière va être une manière de se protéger, d'exclure ceux qui n'appartiennent pas à leur territoire. Je comprends. Ça revient à dire que ces gens-là prétendent nous protéger de gens qui, en réalité, ne nous menacent pas. Et c'est très intéressant d'avoir commencé par Trump, parce que Trump lui est allé très loin dans cette rhétorique, mais c'est exactement la même, en expliquant il y a trois mois, au moment où il a relancé sa campagne, que la caravane des migrants, c'était 2 ou 3 000 migrants qui venaient du Honduras, où ils fuyaient des conditions de vie absolument épouvantables, aussi bien du point de vue de la violence d'État que du point de vue des conditions de vie, bon, et qui avaient déclaré leur intention d'entrer aux États-Unis ou de demander l'entrée aux États-Unis, il les a présentés comme une armée d'invasion. Il les a décrits à la télévision interminablement comme une armée d'invasion et il a dit « je mobilise l'armée pour prendre position sur la frontière de façon à nous protéger contre ces envahisseurs ». Bon, alors, cette idée, en effet, est très répandue, qu'il y a un danger et que nous avons besoin d'être protégés. Et que pour nous protéger, il faut une frontière et il faut la protection de la frontière elle-même, c'est-à-dire il faut la redoubler et la fortifier de plus en plus. Donc, le premier point à discuter serait de savoir si nous sommes menacés. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, et qu'il faut, je dirais, nous ne sommes aucunement menacés. Ni notre identité n'est menacée, ni nos conditions de vie ne sont menacées. Je dis pas qu'il y a aucun problème d'intégration ou d'aide aux migrants. Mais Angela Merkel l'avait comprise et puis ensuite elle a été obligée de reculer parce que tous les gouvernements européens, à commencer par le gouvernement français, lui ont tiré dans les pattes et que ça a formé une alliance avec son aile la plus réactionnaire et la plus conservatrice en Allemagne. Mais il y a des problèmes d'intégration ou d'accueil ou de secours, mais il n'y a pas de menace. Bon, et ce qui menace, c'est la délocalisation des entreprises, c'est toutes sortes de choses qui sont les dimensions lourdes de la mondialisation économique actuelle. Mais c'est pas l'invasion des migrants. Hein. Oui. Même le président de la République actuelle a éprouvé le besoin il y a quelque temps de citer un de ces journalistes pseudo-scientifiques, spécialistes de démographie qui s'appelle Stephen Smith, qui avait publié un livre intitulé, je crois, L'invasion africaine à venir. Et il a dit, j'ai trouvé ce livre très intéressant. Mais c'est absolument ahurissant. Il n'y a aucun démographe sérieux qui considère que ce livre vaille quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de menace. Il y a un problème. Il y a plus de migration qu'autrefois. Mais il n'y a pas une menace. Mais alors vous dites, ça ne tenait qu'à vous, la France accueillerait immédiatement tous les migrants. Non, accueillerait immédiatement tous les migrants. Commencerait par proclamer un principe opposé. Si vous voulez, ce qui caractérise la France, au fond, dans la situation actuelle, c'est qu'elle met en œuvre, sans le dire, d'une façon extraordinairement hypocrite, ce que Theresa May avait officialisé quand elle était ministre de l'Intérieur, et on va être obligé de le redire à nouveau en anglais, en envoyant une instruction à tous ses services, en leur disant « je souhaite que vous créiez pour les immigrants potentiels un environnement hostile, hostile environment. » Et ça définit toute une politique. Bon, donc la question est de savoir si nous cherchons à définir un environnement hostile ou si au contraire nous cherchons à définir un environnement ou un horizon ou une politique d'accueil. Bon, et je suis en effet pour cette seconde solution. Bon, pas de Calais, pas de Vintimille, pas de toutes une ces saloperies. Une politique d'accueil. Mais une politique d'accueil, ça veut pas dire que les pauvres, ça veut pas dire sans frontières. C'est l'hospitalité, c'est mettre. Oui, ça veut dire l'hospitalité. Alors sur ce thème, cette question de l'hospitalité, écoutez. Jacques Derrida et Emmanuel Kant, qui chacun à leur façon proposent une définition de l'hospitalité qui, nous dit Jacques Derrida, est impossible. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité. L'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue est toujours impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. Hospitalité signifie donc uniquement le droit qu'a chaque étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive. On peut refuser de le recevoir, si on le peut sans compromettre son existence, mais on n'ose pas agir hostilement contre lui tant qu'il n'offense personne. Il n'est pas question du droit d'être reçu et admis dans la maison d'un particulier. Cet usage bienfaisant demande des conventions particulières. On ne parle que du droit qu'ont tous les hommes de demander aux étrangers d'entrer dans leur société. Droit fondé sur celui de la possession commune de la surface de la terre, dont la forme sphérique les oblige à se supporter les uns à côté des autres, parce qu'ils ne sauraient s'y disperser à l'infini ou qu'originairement l'un n'a pas plus de droit que l'autre à une contrée. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire l'impossible, accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom à la limite. Hein. Le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impossible. La nature ne nous laisse pas d'autre choix que d'apprendre à vivre avec nos voisins, nous dit Kant dans le projet de paix perpétuelle, puisque les hommes sur Terre sont condamnés à vivre dans un rapport de voisinage. Kant qui considère que la paix entre les peuples ne peut être garantie que par une hospitalité ouverte envers l'étranger. Hospitalité qui, dit Derrida, est aussi nécessaire qu'impossible. C'est ça en fait ce qui se passe autour des frontières, Étienne Balibar. C'est la marque de notre impossibilité de vivre sans les autres et de notre impossibilité de vivre avec les autres. C'est l'insociable sociabilité de Kant. On évolue avec le temps. C'était la voix de Kant, ça, il parlait bien le français. Il parlait très bien. Ouais, très ami avec Georges Clesse. Pour vous. Il avait été bien enregistré en plus. N'est-ce pas? C'est très émouvant pour moi d'entendre Derrida commenter le texte de Kant, parce que comme vous savez peut-être, vous vous en doutez, j'ai été l'élève de Derrida et j'ai même été son ami. Bon. Et je me bats avec ses formulations sur cette question. À la fois dans ce que j'écris, dans ce que j'essaie de penser. Sur la question de l'hospitalité? Et dans les cours que je fais. En particulier, chaque fois que je fais un cours sur ce point, je suis obligé, à mon tour, je dis pas de justifier, mais d'expliquer ce qu'il entend par l'impossible ou l'inconditionnel. Les deux notions sont et sur ce point, il y a une temps, et les étudiants en général résistent. Enfin, ou alors, Alors, j'ai des étudiants qui sont partisans de l'abolition des frontières, donc ils considèrent que, et je ne leur donne pas tort, ils ont des raisons pour ça. Bon, donc ils considèrent au fond que la rhétorique de Derrida est à la limite superflue, parce que cette l'idée d'accorder l'hospitalité, ou de, comme vous le disiez à l'instant, en effet, de s'installer dans la tension entre l'inévitabilité du contact avec le voisin, le contact inévitable avec le voisin, et la difficulté ou l'impossibilité qu'il y a à finalement le mettre à sa place ou à se mettre à sa place. Bon, si on se place dans une perspective très abstraite où les frontières sont des reliquats archaïques d'un état de l'humanité qui devrait disparaître au plus vite. Alors on ne sait pas trop pourquoi, c'est tantôt parce que par internationalisme, tantôt par l'effet, ça les gens y croient de moins en moins, de la mondialisation commerciale, etc. Évidemment le problème ne se posera même plus. Hein. Donc ce que Derrida cherche à décrire, c'est en effet un double bind, etc. C'est-à-dire une situation dans laquelle la notion de territoire n'est pas abolie, donc il y a un chez-soi. Il y a un chez-soi. Et je crois que c'est une idée profonde, et je ne suis pas d'accord avec tous mes amis sur ce point. Je crois que l'idée d'hospitalité est importante parce qu'elle suppose que quand on est chez soi, on adopte une attitude d'ouverture, on va revenir sur l'inconditionnel, d'accueil, disons, à l'égard de l'autre. C'est-à-dire qu'on n'abolit pas la distance entre le soi et l'autre. On ne supprime pas cette différence. Alors ça, c'est un point qui a aussi un... Alors qu'au contraire, évidemment, si on pense qu'il n'y a que les distinctions de classe ou bien de sexe ou que l'humanité, fondamentalement, est une seule et unique communauté indifférenciée, à ce moment-là, le problème ne se pose même plus. Hein, bon. Donc, l'intérêt que je vois au discours de Derrida, c'est de montrer que le problème se pose et de pousser à l'extrême la difficulté qu'il habite. Bon. Alors la référence à Kant, je n'ajoute qu'un mot là-dessus, la référence à Kant est particulièrement importante dans la conjoncture actuelle, parce que le critère, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure dans le texte cité, auquel Kant s'attache par prédilection, c'est une injonction négative, c'est « l'étranger ne doit pas être traité comme un ennemi ». Et évidemment, le monde dans lequel nous entrons en ce moment, et on a fait plus que d'y entrer, et on en a eu déjà des exemples dans notre discussion précédente, est de plus en plus, et de façon de plus en plus catastrophique, un monde dans lequel les étrangers, ou en tout cas certains étrangers, sont traités comme des ennemis, même à la limite par avance. Oui, alors je redis la phrase de Kant qui est très importante. Hospitalité signifie uniquement le droit qu'a chaque étranger de ne pas être traité en ennemi dans le pays où il arrive. Voilà. Et il poursuit, on peut refuser de le recevoir si on le peut sans compromettre son existence. Alors ça, c'est la condition que Derrida cherche à surmonter. Et je serais tenté de dire, en poussant les choses, mais c'est ce que je pense, hein, je veux dire, que nous sommes dans le monde d'aujourd'hui dans une situation dans laquelle de plus en plus l'existence ou la bonne vie ou la vie à la fois heureuse, intéressante, productive, etc., des communautés humaines a pour condition de possibilité non pas leur fermeture, hein, le fait de ne laisser entrer les gens de l'extérieur qu'au compte-gouttes, hein, mais au contraire l'ouverture, hein, ce qui ne veut pas dire l'arbitraire. Restons là-dessus, Étienne Balibas. Quand vous parlez d'ouverture, ça présuppose un maintien des frontières. C'est pas abolition. Ouverture présuppose qu'il y a une fermeture possible. Alors pourquoi quels sont les arguments en faveur du maintien des frontières, en clair, dans le cas du problème des migrants? D'abord, je pense qu'il faut dire que la frontière est par définition une institution ambivalente. C'est-à-dire que c'est une institution qui a une phase de fermeture ou d'exclusion, et c'est une institution qui a une phase d'ouverture ou d'accueil ou de communication, disons les choses de cette façon. Bon, au fond, bon, ça va paraître un peu métaphysique, mais ma raison fondamentale d'être contre l'abolition pure et simple de l'idée de frontière, c'est que je pense qu'il faut qu'il continue d'y avoir des étrangers ou de l'étrangèreté. Il faut qu'on continue d'être étrangers pour d'autres, et que d'autres soient des étrangers pour nous. Mais ne le sommes-nous pas en permanence? Oui. Alors ça veut dire... A-t-on besoin des frontières pour être étranger? C'est pas simple. Prenez la question des frontières linguistiques. Ça, c'est un exemple particulièrement intéressant. Moi, je suis pas pour les frontières policières. Je suis pour ce que j'ai appelé il y a très longtemps, on m'a souvent demandé ce que c'était, la démocratisation des frontières. Bon, que j'entends. Et alors, j'essaie de m'expliquer. Et chaque fois que la situation change, je tente de m'adapter. Mais l'idée fondamentale est une idée relativement simple. C'est que l'institution frontalière telle que nous la connaissons et telle que nous l'appliquons, alors c'est parce que nous sommes un État relativement souverain. je dirais relativement souvent, d'autres ne peuvent pas. Bon, est totalement discrétionnaire. Et donc unilatéral. Hein. Ça revient à dire ma frontière, c'est ma frontière. Alors si vous y réfléchissez, c'est complètement, c'est ce que dit Madame Le Pen. Bon, notre frontière, c'est notre frontière. On va pas nous la prendre, on va pas nous l'attaquer. C'est ridicule. La frontière, par définition, est quelque chose qui appartient en commun aux voisins, à ceux qui sont d'un côté et à ceux qui sont de l'autre côté. Donc est-ce que la solution civile et la solution intelligente et la solution politique consiste à ce que chacun d'entre eux dise je définis tout seul la façon dont ma frontière va fonctionner, les gens que j'accepterai et que je refuserai. Et vous, naturellement, si vous voulez, vous en faites autant. Alors évidemment, certaines des frontières les plus importantes du monde d'aujourd'hui sont des frontières totalement dissymétriques, dans lesquelles, de part et d'autre, on n'a pas les mêmes pouvoirs, on n'a pas les mêmes besoins. De sorte qu'il y en a qui définissent unilatéralement et qui imposent leur volonté, ou qui croient imposer leur volonté, parce qu'ils n'imposent pas grand-chose souvent. Bon, en tout cas, il y a une hiérarchie implicite créée par les frontières. Oui, ça implique une hiérarchie. Ça implique une hiérarchie, une discrimination. Il suffit de passer dans un aéroport, n'importe lequel aujourd'hui, pour voir comment ça fonctionne. Il y a plusieurs files d'attente. Il y a celles dans lesquelles on passe avec le passeport biométrique de l'Union européenne. Ça marche pas toujours très bien, mais enfin bon, en principe, on passe vite. Et puis il y a celle dans laquelle les gens du tiers-monde s'agglutinent en attendant qu'on dise si oui ou non ils vont pouvoir entrer. Bon, donc c'est totalement discriminatoire, et c'est totalement discriminatoire parce que c'est complètement discrétionnaire. Bon, alors démocratiser les frontières, ça veut dire au minimum que la gestion des frontières, et par voie de conséquence, bien sûr, celle des flux, des déplacements de population, etc., devienne l'objet d'une sorte de régulation commune qui soit internationalement gérée et non pas décidée par chaque État de façon absolument unilatérale. Bon, mais ça c'est pour les frontières, c'est pour l'aspect juridique de la frontière. Mais si vous prenez maintenant la question des langues, hein, bon, alors je voulais amener ici et puis j'ai une carte qui m'a beaucoup frappé il y a quelques années. J'avais trouvé ça dans une revue italienne qui consacrait un numéro spécial à la situation en Europe après la fin ou la soi-disant fin de la guerre du Kosovo et des conflits dans les Balkans. Et donc, en supplément de ce numéro de revue, il y avait une grande carte qu'on pouvait déplier des communautés linguistiques et des frontières linguistiques en Europe. Alors, c'est tout à fait extraordinaire parce que il y a des langues qui sont considérées comme majeures, bien sûr, c'est les langues d'État. Et il y a des langues qui sont considérées comme mineures, mais qui n'en sont pas moins importantes. C'est des langues qui ne sont pas de langue d'État. Par exemple, le catalan, hein, en Espagne, bon, qui peuvent prétendre à l'être, mais qui, bon, ou qui, bon. Et alors, pour ça, on sait plus ou moins tracer les cartes. C'est-à-dire qu'on a des couleurs principales pour les langues nationales. Et puis ensuite, on fait des bandes obliques pour surcharger, pour surdéterminer, de façon à inscrire le breton, l'occitan, contre lesquels vous doutez bien que je n'ai absolument rien. Bon, et puis alors après ils avaient un problème terrible, hein, qui avec les langues de ces communautés linguistiques très importantes en Europe, qui parlent des langues dont l'origine est extra-européenne, mais qui sont des millions naturellement. Donc l'arabe, le turc, éventuellement le wolof, le bambara. Alors il y avait un petit tableau sur le côté, une espèce de petite colonne avec l'énumération des langues en question qui elles n'étaient pas territorialisées. De telle façon que vous pouviez vous dire ces gens-là au fond, ils devraient être là mais d'un autre côté, ils n'en ont pas vraiment le droit et surtout ils n'habitent nulle part. Mais c'est pour ça vous gardez le terme de frontière appliqué aux différentes langues. Alors je pense que ce qui est très important c'est qu'on garde l'idée qu'il y a des communautés linguistiques et par conséquent des communautés culturelles. Mais le propre des frontières, entre guillemets, entre double ou triple guillemets, qui sont liées au fond à ce type de démarcation, c'est que ce n'est pas des frontières nettes entre lesquelles on pourrait répartir les populations. Ça, c'est le rêve des identitaires. Hein, le rêve des identitaires. On va tracer une espèce de... Fichte appelait ça une frontière intérieure, une espèce de frontière virtuelle, si vous voulez, mais ça s'accompagnera de droits scolaires et tout. Et on mettra tous les gens qui sont vraiment des Français à l'intérieur d'un certain espace, et puis à l'extérieur, les Arabes, les Allemands. Alors qu'en réalité, évidemment, l'histoire, la réalité, et il faut bien le dire aussi, la créativité et la productivité des mélanges de cultures et de langues, c'est que ces frontières-là passent à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ce qui aboutit à cette situation que non seulement nous ne sommes pas purement et simplement de part et d'autre d'une frontière, mais nous sommes des frontières nous-mêmes à beaucoup d'égards, beaucoup d'entre nous. Devant moi s'étendaient en nappes blanches les terres stériles des Syrtes, piquées des mouchetures de leurs rares fermes isolées, bordées de la délicate guipure des flèches des lagunes. Parallèlement, à la côte courait à quelque distance, sur la mer, une ligne pointillée noire, la limite de la zone des patrouilles. Plus loin encore, une ligne continue d'un rouge vif. C'était celle qu'on avait depuis longtemps acceptée d'un accord tacite pour ligne frontière, et que les instructions nautiques interdisaient de franchir en quelque cas que ce fût. Orsena et le monde habitable finissaient à cette frontière d'alarme, plus aiguillonnante encore pour mon imagination de tout ce que son tracé comportait de curieusement abstrait. À laisser glisser tant de fois mes yeux dans une espèce de conviction totale au long de ce fil rouge, comme un oiseau que stupéfie une ligne tracée devant lui sur le sol, il avait fini par s'imprégner pour moi d'un caractère de réalité bizarre. Sans que je voulusse me l'avouer, j'étais prêt à douer de prodiges concrets ce passage périlleux, à m'imaginer une crevasse dans la mer, un signe avertisseur, un passage de la mer Rouge. La métaphore en dit long sur la réalité, parfois plus que l'analyse, disons, conceptuelle ou théorique Étienne Balibar. D'un côté, vous l'aurez peut-être reconnu, la bande originale du film de Chaplin, Le Pèlerin. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent encore cette bande originale. C'est pour ça que c'est à vous que je m'adresse. Je pense que vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr d'avoir reconnu, non, parce que moi, ce que j'ai surtout en mémoire, c'est l'image. Et il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu le film que je ne me souvenais pas de la musique. Mais vous aurez sans doute reconnu le texte que j'ai lu sur cette bien musique. Sûr, de bien quoi sûr. S'agissait-il? Il s'agissait de Julien Gracq. Du rivage des Syrtes. Le rivage des Syrtes. De l'épisode de la carte qui apparaît dans le roman. Alors bon, pour faire vite quand même, il y a cette guerre, soi-disant entre deux pays, où la guerre n'a jamais lieu, où les pays se fantasment plus qu'ils ne se voient. Et la carte matérialise les frontières entre deux pays dont on ne soit pas sûr qu'ils existent. Mais en même temps, c'est la meilleure représentation de la frontière. Oui et non, parce que c'est en même temps un dépassement, une déconstruction, j'ai envie de dire, puisque vous faisiez parler d'Derrida tout à l'heure, une déconstruction, évidemment, la seule qui soit vraiment forte par les moyens de la littérature, de la représentation simple, pour ne pas dire simpliste, de cette frontière discrétionnaire à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le rivage des Syrtes, c'est que la frontière est là dans toute son ambivalence, à la fois comme un objet d'inquiétude, d'où le danger pourrait venir, comme quelque chose d'inaccessible, et par conséquent aussi comme un objet de désir ou de passage ou de transgression. Bon. Mais ça, c'est pas ça l'idée trop simple des frontières nationales que nous avons hérité. Moi, je suis d'une vieille génération. Vous savez que nous avons hérité de notre école primaire. Quand j'étais élève à l'école primaire, on enseignait encore, évidemment, la géographie mondiale avec des planisphères qui étaient ceux de la Troisième et de la Quatrième République. Et ils avaient ceci de tout à fait extraordinaire que les empires coloniaux ou les ex-empires coloniaux, la communauté, la fameuse communauté française du général de Gaulle, étaient tous colorés dans une unique d'une unique couleur. Bon, alors les Anglais étaient en bleu foncé, etc. Et nous, je sais pas pourquoi, on était en rose. Nous, entre quadruples guillemets, nous les Français ou les assimilés ou les anciens Français, etc. On était en rose. Bon, et alors du coup, on voyait sur la carte se matérialiser cette dualité profonde, enfin très historiquement fondamentale, de la nation et de l'empire. Hein, d'un côté les frontières de la France métropolitaine qui englobait l'Algérie d'ailleurs à l'époque, et puis de l'autre celle de l'Empire ou de l'Ancien Empire qui s'étendait aux extrémités. Mais de toute façon c'était des lignes, et par conséquent on pouvait s'imaginer, avec en plus des récits de la guerre de 14 ou d'ailleurs, que les armées des pays étrangers l'un à l'autre et potentiellement ennemis étaient chacun d'un côté de la ligne matérialisée sur le sol, se regardant les yeux dans les yeux, prêts soit à se serrer la main pour conclure la paix, soit au contraire à se tirer dessus. Alors que dans le rivage des Syrtes, l'ennemi est invisible Et par conséquent, c'est une frontière qui renvoie en même temps à un imaginaire d'empire, mais alors dans un sens bien plus ancien, dans le sens, si vous voulez, des grands empires de l'époque des migrations et des nomades, à la limite de l'Empire romain. Évidemment, c'est l'Empire romain en face des barbares. Bon, c'est l'Empire romain en face des barbares. Et cette frontière-là, alors c'est pour ça que je vous avais apporté un atlas, etc. Il y a plein de cartes rétrospectives qui nous font croire qu'elle était tracée quelque part, alors qu'en réalité, elle n'existe nulle part. Alors, Étienne Balibar, pour conclure cette émission, lorsque nous avons préparé ensemble... Mais pour dire un seul mot sur Le Pèlerin, ce qui est extraordinaire, il ne faut pas seulement entendre la musique, il faut se souvenir de la dernière image géniale dans laquelle on voit Chaplin, qui n'a le droit d'habiter ni d'un côté, ni dans un pays, ni dans l'autre, s'éloigner vers l'horizon en marchant avec un pied de chaque côté de la ligne frontière. Eh bien, ce sera l'image de la fin. Merci Étienne Balibar d'être venu nous proposer votre réflexion sur les frontières. Merci. With all your soul, with all your strength, the people of the air might know that the hand of the Lord is powerful, and so that you might always feel the Lord your God. He did this so that my son brings joy to his father. Très loin et tout près, c'est le titre d'une petite conférence sur la frontière que vous aviez prononcée il y a quelques années, Étienne Balibar, qu'on trouve aux éditions Bayard, si le livre est encore disponible, et sinon, on appelle à un nouvel approvisionnement de ce livre. On peut lire aussi de vous récemment, c'est-à-dire en 2018, Spinoza politique, le transindividuel aux éditions PUF, ainsi que Libre parole aux éditions Galilée. On se quitte avec Ladysmith Black Mambazo, Love Your Neighbor. To win the prize from which God has called me. Jehovah is my shepherd. Jehovah is my shepherd. My heart and my flesh cry out for the living God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Who can purify you? Hallelujah. Who can purify us from unrighteousness? Hallelujah, hallelujah. Who can forgive you? It's only Jesus. Who is faithful? It's only Jesus. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous proposez aujourd'hui une théorie du gamer. Et oui, théorie du gamer, c'est le titre du livre tout juste traduit en français de Mackenzie Wark. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ce qui était d'ailleurs mon cas, Mackenzie Wark est un chercheur enseignant australien. Il est spécialiste de la théorie des médias et de la communication. On lui doit un manifeste hacker paru en 2004, manifeste désormais célèbre, dans lequel il tente de refonder le marxisme à l'ère du cyberspace, à ne pas confondre d'ailleurs avec le manifeste du hacker. Mais on doit aussi à Mackenzie Wark cette théorie du gamer, parue en 2007, qui paraît plus de 10 ans après, en français, aux éditions Les Prairies Ordinaires. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to the cave. Yes, I'm a talking cave. I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. Cette théorie du gamer se présente en 9 parties qui s'appuient à chaque fois sur un jeu vidéo pour, à chaque fois, développer un concept. Alors il y a le jeu des Sims qui permet par exemple d'évoquer la question de l'allégorie, Katamari Damacy celle de l'analogique, ou le jeu vidéo The Cave, dont on vient d'entendre un extrait, qui aborde le problème de l'agonie. Mackenzie Wark l'explique dans sa préface, pour écrire ce livre, il s'est en fait appliqué quelques contraintes. Chaque chapitre compte exactement 25 paragraphes, chaque paragraphe ne peut excéder 250 mots, et chaque chapitre porte, comme on l'a vu, sur un concept et un jeu, jeu qu'il doit avoir absolument fini. Mais derrière ces contraintes et ces 9 jeux et concepts, se joue en fait un seul enjeu, c'est celui de l'espace. C'est la thèse de cette théorie du gamer, le joueur arpente un espace-monde, celui du jeu vidéo, espace-monde qui n'est pas celui de la nature ou de la culture, mais celui de l'information. Ce troisième espace, cet espace-monde du jeu, c'est le loot space, version idéale d'un monde qui crée ses propres règles, ressources, sensations, intrigues et personnages qui créent, autrement dit, sa propre réalité. Hey, lady, you know what I'm gonna do? Something like this. Vice City is 24 karat gold these days. We send someone down and cut ourselves a nice slice. Tommy! Buenas noches! Ici, on dirait le paradis. La radio allumée, vous conduisez à travers un monde aux couleurs pastel. Vous êtes au volant d'une voiture volée, mais du moment que la police ne vous a pas vu la prendre, aucune importance. Vous n'avez aucune obligation de faire quoi que ce soit, ni de vous rendre où que ce soit. Il y a des aventures, vous vous trouvez dans une ville de gangsters, de proxénètes et de jolies poupées. Vice City est un endroit où il fait bon vivre, pas tout à fait un monde utopique, ni tout à fait une dystopie. One day, I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Alors quel est ce troisième espace qui est l'espace du jeu, le loot space? C'est bien la question qui anime la théorie du gamer de Mackenzie Wark. Ni nature, ni culture, ni utopie, ni dystopie, comme on l'a entendu pour Vice City, quel est le lieu du jeu? Où êtes-vous quand vous jouez? Êtes-vous dans un au-delà, un ailleurs ou nulle part? Est-ce un refuge, un abri, une échappatoire ou la vie elle-même? Et puis que signifie dans cet espace un mouvement, un effort pour se déplacer, manger, rencontrer? Quelles sont les limites du loot space? Quelles en sont les frontières? Quelles en sont les règles dans ce territoire pour justifier nos actes et cadrer nos actions? Après le jeu vidéo La Cave, celui de la ville du vice, vous entendez la musique de Sim Earth, jeu vidéo de 1990 dans lequel vous ne faites rien de moins que gérer une biosphère. Dans ce programme, c'est à vous de choisir la source d'énergie que vous voulez utiliser, solaire, nucléaire, biomasse, hydroélectricité ou énergie fossile, pour l'investir dans le domaine que vous voulez, science, agriculture, médecine ou art, le but, éviter la catastrophe. Mais au fond, qu'il s'agisse de l'espace quotidien d'une maison, d'un village dans lequel on prospère, d'une ville sans foi ni loi, c'est toujours à vous, dans un jeu vidéo, au joueur, de choisir, de programmer, de paramétrer son propre monde. Et cet espace du jeu n'est donc pas quelque part, c'est en fait une atopie, un lieu qui n'a d'existence, de règles, de frontières que par et grâce aux joueurs. Mais ça me donne très envie non seulement de lire ce livre et de refaire des émissions sur les jeux vidéo qu'on avait fait l'an dernier. Souvenez-vous, Géraldine, c'était génial. Ah ouais, oui, je m'en souviens. Et on pourra ajouter du coup ce livre, c'est La théorie du gamer de Mackenzie Wark. C'est aux éditions Les Prairies Ordinaires. Avec un duplex depuis l'Australie. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Mathieu Tarpin qui a préparé cette émission avec Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi, Isis Jourda, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Alexandre Dang qui était la prise de son aujourd'hui, Georges Classe à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur le voisinage. Demain, nous serons en compagnie de Carole Desbarra qui viendra vous parler de Fenêtres sur cour d'Alfred Hitchcock. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec qui vous voulez, vos voisins, pourquoi pas. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. Nous attendons vos remarques et commentaires.